On va parler de basketball scolaire avec notre ami François Potvin. Le basketball scolaire est recommencé à Normandais après une année de COVID. Donc on va parler, voir comment que ça va comment que ça va. Salut François! Salut, salut, oui, on est content, enfin, on retourne dans les gymnases. Ben oui, puis les jeunes, comme j'imagine qu'ils sont contents d'eux aussi, hein? Oui, puis notre plus grande inquiétude, c'est de s'assurer qu'ils soient encore au rendez-vous. Puis bonne nouvelle, la plupart là, sont de retour là, avec une grande joie. Là. On a été très, très satisfaits là, de la réponse des jeunes. Là. Combien t'as d'inscriptions cette année? Cette année, habituellement, la dernière année, là, on parle de même pas l'année passée, l'autre année, on avait trois équipes. Cette année, on a réussi à avoir une quatrième équipe. Ah, Et dans c'est la bon ça! catégorie Benjamin, qui est secondaire 1 et 2, on a une deuxième équipe. Fait que secondaire 1, on a une vingtaine de joueurs. Cadet, là, qui est à peu près secondaire 3, un petit peu 4. On a un noyau, là, on a un 10 joueurs là, qui sont toujours au rendez-vous. Puis juvénile, notre équipe de plus vieux. On a une dizaine de joueurs aussi. Là. Fait qu'on est vraiment contents. Là. Fait que ça roule. Là. OK. Donc, mais là-dessus, donc quand même, tu sais, il y en a qui sont partis parce qu'ils n'ont plus l'âge pour jouer. Donc, déjà, d'avoir assumé une relève, avoir plus d'équipes, déjà, c'est incroyable, là, après un an de Ah, COVID, là. je comprends parce que c'est notre grande crainte. Puis je lève mon chapeau aussi à ces joueurs-là qui ont quitté. Là, t'sais. Quand tu quittes après avoir joué une saison, c'est une chose, mais quand tu quittes sans avoir joué la saison, puis pas parce que tu pouvais pas ou tu voulais pas la jouer, parce qu'on connaît tout le contexte, ça a vraiment été triste pour eux. D'ailleurs, on a fait de planifier là, quand on va pouvoir le voir, une genre de petite cérémonie là, pour pouvoir les saluer et les remercier du travail qu'ils ont fait, parce que le travail qu'ils ont fait, c'est un peu ce qu'on récolte aujourd'hui aussi. D'année en année, là, ils font beaucoup de travail, puis ça motive les jeunes à poursuivre les traces des plus vieux. Là. Ouais, c'est ça. Donc, cette année, j'imagine que 45, 4 équipes. C'est toi qui coach les 4 équipes en passant? Oui. Hey, t'as pas Ben de là, relève j'ai un là-bas? assistant coach. Oui, ben tranquillement, pas vite, on travaille. Mais tu sais, j'essaie de récupérer des jeunes là, qui passent par la polyvalence. J'en ai un avec moi, le Mathis Gauthier, qui est mon assistant entraîneur, là, qui a joué aussi pendant 4 ans à la polyvalence, qui fait ses études. C'est ça, la plupart du temps, après leur secondaire, souvent, ils vont s'exiler pour leurs études. Fait que j'essaie de les garder proches. Là. Mathis, lui, il fait ses études au Cégep de Saint-Lucien. Fait que je l'ai pour quelques années. Mais après ça, là, il faut qu'on essaye là, d'en garder le plus possible dans le giron là, pour avoir de la relève, ça c'est clair, parce que oui, ça va en prendre une année aussi. Puis tu sais, tu connais bien le sport, là, ça prend des messages des différents, ça prend des entraîneurs différents. Toujours le même entraîneur, toujours le même message, ça peut emmener du moins bon une année. Fait que ça prend pour renouveler, puis la meilleure façon de renouveler, ben, c'est de renouveler les entraîneurs. Ouais, c'est clair, c'est clair. Puis surtout de la relève, ils sont pas là éternellement. Hein. Ah non, c'est ça. Puis c'est quand même une charge de travail. On est rendu avec 4 équipes. Je le vois, là, c'est pas drôle. Là. C'est là que je me sens vieillir parce que, tu sais, jeune, jouer plusieurs matchs d'une journée, je trouvais ça dur. Puis là, coacher plusieurs matchs d'une journée, je trouve ça dur. Oui, c'est sûr. Hey, dis-moi, l'équipe, ça va-tu être compétitif? Tu fais pas ça pour être compétition, mais c'est toujours le fun quand même de gagner. Oh C'est-tu. oui, moi je sais, on dira ce qu'on voudra. L'important c'est de participer, mais c'est toujours plus fun de Ben gagner. oui. Ben oui. Ça va-tu être On sentait la compétitif? pupille. Ça va-tu être. Benjamin, je vais être bien honnête. Là, on a fait le choix de faire 2 équipes parce qu'on avait beaucoup de joueurs. On a fait le choix de faire 2 équipes équilibrées pour ne pas avoir une équipe plus forte que l'autre parce qu'on trouvait que ça c'était moins motivant pour les jeunes. Fait que, on se trouve avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouveaux, là, pour ne pas dire 100%, parce que les quelques secondaires 2 qui ont joué l'année passée, ils n'ont pas joué. Fait qu'on se ramasse avec pas mal de nouveaux joueurs. Mais ce qui est beau dans le sport étudiant, puis c'est ce que je commence à expliquer et à inculquer à mes nouveaux jeunes joueurs, c'est qu'ils sont ici, ils sont dans le programme pour 5 ans. Fait qu'eux, là, ils embarquent dans un contrat de 5 ans. Fait que ce qu'ils font cette année, c'est pour payer dans 2, 3, 4 prochaines années. Fait que, c'est sûr qu'on a, on n'a pas tout à fait les mêmes structures, peut-être qu'au Saguenay ou dans les grands centres où que le basket commence au primaire de bonne heure, malgré qu'on travaille fort pour y arriver. Mais quand tu sais, le basket commence la plupart du temps au niveau Benjamin. Fait que c'est vraiment le cheminement qu'on essaie de leur expliquer, de ne pas se décourager, parce que les premiers matchs n'ont peut-être pas été là, à la lumière de ce qu'on espérait et ce qu'on souhaite tout le temps. Mais c'est pour ça qu'on leur dit qu'on travaille. Puis on a des exemples aussi. Si on regarde comme l'équipe cadette, présentement, là, on a 3 matchs de jouer, 3 victoires, aucune défaite. On joue très, très, très bon basket. Ben, c'est une équipe qui, Benjamin, ont commencé à travailler fort, secondaire 1, secondaire 2, puis ils commencent, leurs efforts commencent à payer. Fait que là, c'est comment ça intéressant. Même chose du Vénil, on a eu un beau match contre Saint-Félicien. Toujours des matchs serrés comme nos rivaux alliés, parce que c'est pas des grands rivaux de Saint-Félicien. Alors, on a eu un match par un point. Tu connais le basket, Danny, des matchs par un point, il n'y a rien de plus beau. J'espère que les matchs durent moins longtemps que dans la NBA, parce que, on va te dire une affaire, quand ça finit par un point, la fin dure une demi-heure. J'ai pris, tu me fais rire, parce que dans le match par un, j'ai pris un temps mort à la fin. Tu me dis, on n'a pas le choix, au moins un temps mort. Ouais. Puis les joueurs arrivent, ouais, mais pourquoi t'as pris un temps mort, là? On est dedans, là. Ils comprenaient pas pourquoi on prenait le temps mort à la fin du match. Fait que, ouais, en effet, la fin de match a été beaucoup plus rapide. OK, c'est beaucoup plus rapide, parce que dans la NBA, c'est moins pire dans la NCAA, par exemple, mais dans la NBA, c'est une éternité pour à peu près 30 secondes. Donc, finir par un point, est-ce que c'est libéral? Donc, vous allez voir. Ça, la dernière minute dure. Ouais. La dernière minute dure plus que quasiment avec le corps au complet. Je suis d'accord avec toi. Dis-moi, allez-vous être compétitif? Ça c'est posé. Il va y avoir beaucoup de tournois cette année? Oui, on roule quand même pas mal de matchs. T'avais des matchs en fin de semaine aussi, je pense, là, hein? Oui, en fin de semaine, c'est déjà notre deuxième journée d'activité. Là, on était à Normandin, on a rencontré la polyvalente d'Arvida. La semaine prochaine, on est à Genogami. Là, on commence là pas mal à toutes les fins de semaine, là, soit qu'on reçoit ou qu'on se déplace là, selon les différentes ligues. Là. On a une nouvelle équipe aussi au Lac-Saint-Jean. Il y a Robert Val qui a commencé à avoir une équipe, ce qui est super le fun. On aime ça là, quand on voit le basket revenir là, dans le coin au Lac-Saint-Jean, là, c'est intéressant. Là. Mm. Fait que ouais, c'est commencé, là, on a de l'action. Là. OK. Donc, en fin de semaine, ça a bien été, c'est ça? Ben, Benjamin, je te dirais que ça n'a pas été facile. Alors, Vida, c'est des gros programmes, des équipes structurées qui commencent depuis le primaire. Fait que Benjamin, ça n'a pas été facile. Pardon. Cadet, par exemple, on est allé chercher les deux victoires en deux matchs, là, comme je te disais. Donc, les joueurs jouent de l'excellent basket, là. On a une bonne équipe qui va être surveillée. Ben, François, bravo, félicitations. Ça prend des bénévoles, ça prend des gens comme toi pour assurer la priorité que les jeunes, ça amuse les jeunes. Bravo, pour le plaisir de se parler. Ah, ben merci. Oui, on va se tenir au courant au cours de la saison avec plaisir. François Potvin de la polyvalente de Normandin qui s'occupe du programme de basket.